Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour de l'héritage de Pierre Bourdieu, initialement diffusée en octobre 2020. Aujourd'hui, premier temps, sociologie d'un sociologue. En 1964, un sociologue âgé de 34 ans coécrit avec Jean-Claude Passeron un ouvrage intitulé « Les héritiers ». Il s'appelle Pierre Bourdieu et ce livre est la publication de ses premières enquêtes sur l'école et les pratiques culturelles. La thèse du livre est sans appel. La classe sociale d'un individu a une influence directe sur son parcours scolaire. Les héritiers, ce sont ceux qui bénéficient du système de reproduction des élites au sein de l'institution scolaire, qui nourrit en retour cette même reproduction. Bourdieu, lui, fait exception à cette règle, et l'enfant né dans le Béarn, diplôme prestigieux en poche, fera à son tour école en sociologie. Alors, avons-nous d'autre choix que d'être les héritiers de Bourdieu ? Eh bien, pour être fidèle à sa méthode, il faudrait commencer par proposer un portrait sociologique du sociologue, dont voici l'autoportrait. Pendant longtemps, en fait, je me suis avoué que j'étais sociologue très tard. Ici, dans l'institution Collège de France, des gens de ma catégorie, il a dû en avoir 1% en 200 ans. Quand je prends la parole en public, je suis paralysé par l'émotion. Je ne me sens pas légitime à prendre la parole, d'autant plus que le rôle dans lequel on me met est très grand. Moi, ma conviction, c'est que la sociologie est une manière de prolonger la philosophie par d'autres moyens. Bonjour Jean-Louis Fabiani. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous n'avez pas pu quitter Vienne en Autriche où vous vous trouvez. C'est donc à distance que nous allons faire cette émission. Je voudrais commencer en étant fidèle à Bourdieu puisque celui-ci dit qu'il faut que l'intellectuel se présente, que l'on sache d'où il parle. J'ai dit que vous étiez à Vienne, mais présentez-nous votre rapport à Bourdieu. Eh bien, je suis un élève de Bourdieu, je suis un héritier de Bourdieu puisque j'ai fait ma thèse sous sa direction, que j'ai collaboré à sa revue dans les années 70 et 80, et que je continue de le lire, d'écrire sur lui et de penser à lui. Vous êtes héritier de Bourdieu, est-ce que vous pensez que tous autant que nous sommes aujourd'hui, qu'on ait étudié la sociologie ou pas, nous sommes les héritiers de Bourdieu au sens où ce qu'il a dit, son travail, a une influence directe sur tous les travaux des intellectuels aujourd'hui ? Alors, je n'irai pas jusque-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés, au contraire, que Bourdieu a fait beaucoup de mal à la société française. Je ne pense pas, Bourdieu a éclairé un certain nombre de choses, d'ailleurs, pas tout seul. Vous avez parlé de Jean-Claude Passeron. Il y a derrière Bourdieu aussi une entreprise collective qui montre que Bourdieu a été aussi, il n'en parle jamais lui-même, mais un grand entrepreneur intellectuel. Et je crois que nous pensons tous, jusqu'à un certain point, à travers Bourdieu. Regardez la popularité de termes comme doxa, capital, champ. Ça suffit à dire à quel point Bourdieu a pénétré, disons, la société. Alors qu'est-ce qu'a apporté Bourdieu à la société, et puis surtout dans le champ des études sociologiques, qui n'avait pas été fait avant ? Alors, je crois que Bourdieu a contribué plus que tout autre à la sociologie critique, c'est-à-dire à éclairer un certain nombre de choses qui, ou bien allaient de soi, ou bien n'étaient même pas remarquées. C'est le cas des héritiers que vous avez évoqués, ou cette dimension, disons, de l'importance de la famille et de la socialisation familiale dans le succès scolaire. N'était pas était évoqué par les statisticiens, puisqu'il n'a pas inventé le problème, mais n'était pas thématisé. Et donc, la grande divergence, disons, entre ceux qui continuent de lire Bourdieu avec faveur et ceux qui le critiquent, c'est est-ce que Bourdieu n'est pas allé trop loin dans l'analyse, disons, des formes de violence symbolique, de reproduction, etc. Est-ce qu'il n'a pas exagéré dans un sens idéologique des constats qui sont tout à fait objectifs par ailleurs. C'est le grand débat, je pense, que vous aurez au cours de la semaine. Et quelle est votre position sur ce débat? En clair, c'est la question de savoir si Bourdieu n'insiste pas trop, c'est-à-dire plus qu'il ne faudrait, sur la question du déterminisme social. Oui, c'est la question. Je crois qu'elle nous occupe tous, les sociologues, et chez Bourdieu, il n'y a pas, enfin je l'ai souvent remarqué dans mes commentaires sur son œuvre, il n'y a pas de place pour la contingence. Cela dit, la sociologie, c'est la science des régularités, et il faut bien dire que statistiquement, au niveau de ces régularités, les déterminations l'emportent. Mais cela ne veut pas dire qu'on doive développer une philosophie déterministe comme il l'a fait. C'est là que je pense est l'essentiel du débat aujourd'hui. Et quand on l'écoute, quand on écoute son autobiographie en concentré, comme nous venons de le faire, nous pouvons demander si effectivement, est-ce qu'il y a eu 1% de gens qui étaient fils de facteurs receveurs des postes au Collège de France en 200 ans. C'est quelque chose qu'il n'a pas vérifié. Vous voyez, je pense que une analyse statistique des origines des professeurs du collège nous conduirait à nuancer ce point de vue. Alors on va lui donner la parole à nouveau pour essayer de faire son portrait. Vous avez employé le terme de philosophie. Toute la question est de savoir comment est-ce qu'il est passé de la philosophie, puisqu'il a agrégé de philosophie à la sociologie. Avant cela, écoutez-le raconter sa propre trajectoire sociale. C'est une archive du Bon Plaisir diffusée sur France Culture le 23 juin 1990. Je viens d'un tout petit village du Béarn, du sud-ouest de la France, bon, et d'une famille de tout petits fonctionnaires. Bon, mon père a accédé à la fonction publique très tard, après avoir passé ses 25 ou 30 premières années comme fils de petit métayer pauvre. Bon, et il a donc été toujours dans une position tout à fait inférieure, y compris dans ce monde inférieur qu'est le monde rural. Voilà. Bon, donc mon enfance est marquée par une expérience de l'inégalité sociale, de la domination, et je pense que je n'en ai tiré aucun ressentiment. Au contraire, je n'ai que, en général, les gens qui sont dans ma position, qui ont fait des trajectoires qu'on peut appeler foudroyantes, qui viennent du plus bas pour aller au plus haut, en général, ils sont très heureux du monde social. Ce qu'on ne voit pas, c'est que précisément, je suis, ce qui fait problème, c'est que je ne sois pas un universitaire heureux. Quand je suis entré à l'école normale, il y a deux moments, c'est quand je suis entré à l'école normale, et quand j'ai été nommé au Collège de France, c'est les deux moments où je me suis senti paralysé par une sorte d'infamie, c'est très bizarre, je me sentais formidablement mal, parce que à la fois j'étais donc miraculé, et les miraculés, on leur demande de dire tous les jours merci du miracle. Enfin bon, donc à qui pouvais-je dire ça? Alors j'avais un sentiment très très très bizarre, et en même temps très très refoulé, parce que la force du système scolaire est si grande que quand je prenais le train pour retourner dans le Béarn, arrivé à Mont-de-Marsan, je pouvais plus supporter, ça me rendait fou, rien d'entendre les gens, l'accent, c'était une espèce de vulgarité, je sentais du dedans. Alors tout ça, ça a été extrêmement difficile pour moi. Il est vrai que la sociologie, ça n'a rien à voir avec le ressentiment, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et je trouve que les gens qui ont le privilège d'être nés au bon endroit pourraient au moins fermer leur gueule quand ils aient ces choses-là. Au moins, c'est clair. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Pierre Bourdieu cette semaine. Aujourd'hui, on essaye de faire le portrait sociologique du sociologue en compagnie de Jean-Louis Fabiani, qui est avec nous depuis Vienne, en Autriche. Ce qui fait problème, dit Bourdieu, c'est que je ne sois pas un universitaire heureux. Peut-être que l'ambivalence de la réception de Bourdieu dont nous parlions à l'instant, c'est-à-dire cette division entre d'un côté ceux qui le divinisent et ceux d'autre part qui le critiquent, est à l'image de ce qu'il ressent pour son propre parcours. Je ne suis pas un universitaire heureux, c'est-à-dire à la fois je suis fier, mais ça ne m'apporte aucun bonheur, Jean-Louis Fabiani. Oui, Bourdieu n'était pas un homme heureux, et quand vous pensez à cet entretien à la fin du XXe siècle qu'il a eu avec Günter Grass, on sent chez Bourdieu cette absence, cette incapacité de trouver le bonheur dans la sociologie comme dans la philosophie. Mais je voudrais revenir sur cet autoportrait parce que il est très connu. Si l'on regarde, alors en sociologue objectiviste, comme nous le recommande Bourdieu, son véritable parcours, il ne s'agit pas d'un miracle social. Si vous regardez ses condisciples à l'école normale au début des années 50. Bien, Jacques Derrida, Michel Serres, Jean-Claude Passeron, Paul Veyne, Gérard Genette, fils d'ouvrier tailleur, etc., ne sont pas dans des conditions sociales, dans des trajectoires sociales fondamentalement différentes. Il y a 2 ans, j'ai fait une conférence à l'Université de Columbia et j'ai présenté des cartes postales de son village, la Sob, dans les années 30. C'est un village coquet, riant, il y a la poste, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Bourdieu, justement, a pu penser sa trajectoire sous le signe du malheur, de l'anxiété et de l'illégitimité. C'est le mot qu'il utilise. Vous savez que la légitimité est un concept central chez lui. Il se sent illégitime. Alors que quelqu'un qui est d'origine beaucoup plus basse que lui, qui est Georges Canguilhem, qui est son mentor, le philosophe, lui se sent tout à fait légitime et se sent tout à fait à l'aise dans l'institution, puisqu'il préside le jury de l'agrégation, il est le doyen de l'inspection générale. Et donc c'est là qu'est ce décalage qui est fascinant chez Bourdieu. C'est justement, c'est probablement parce qu'il a des ambitions qui excèdent celles de la trajectoire ordinaire de l'universitaire. C'est parce qu'il se veut plus qu'un universitaire qu'il se sent aussi étranger à l'université. Donc là, il y a un paradoxe. Vous employez le mot d'ambivalence et je l'approuve grandement. Je crois que Bourdieu n'a pas pu penser l'ambivalence, qui est un thème sociologique insuffisamment discuté. Robert Merton, dans les années 50, a écrit des choses sur l'ambivalence, mais Bourdieu ne pense pas cette ambivalence. Il se pense comme un miraculé. Et je pense que dans la société, il n'y a pas trop de miracles et qu'au fond, sa trajectoire est une trajectoire, non pas parmi d'autres, mais c'est une trajectoire qui, dans les années 50, caractérise la méritocratie scolaire. Mais est-ce que ce n'est pas le point aveugle du travail du sociologue qui, s'il essaye d'objectiver, d'avoir une perspective objectiviste des phénomènes qui composent la société, c'est ce que appelle Bourdieu de ses voeux, ne peut pas appliquer cette méthode à lui-même? Au fond, d'un côté, il faut se présenter comme sociologue, c'est-à-dire dire d'où l'on parle, à qui on s'adresse, quelles sont les conditions d'énonciation de ce qu'on est en train de dire, mais de l'autre, nous ne sommes pas à nous-mêmes des objets, c'est peut-être aussi simple que ça. Oui, je pense que Bourdieu a en tête une sorte de rêve, de maîtrise absolue de soi-même. Et il est en train de produire, enfin, il ambitionne de produire une forme de savoir absolu sur lui-même. Et d'ailleurs, qu'il serait le seul, parce que c'est là aussi la question, qu'il serait le seul à pouvoir produire. Et donc, on peut lui objecter les faits sociologiques, tout simplement. Mais alors, ce qui est très étonnant, et ce qui a eu énormément de succès, c'est cette idée du miracle, du miraculé, du misérabilisme, et son succès dans la littérature de fiction ou d'autofiction, si l'on pense à Annie Ernaux et plus récemment à Édouard Louis. Enfin, ce miracle social est devenu une forme de trope littéraire. C'est extraordinaire. Annie Ernaux revendique explicitement, d'ailleurs, l'apport du livre « Les héritiers de Bourdieu » sur son propre travail. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et là, on peut dire que Bourdieu, qui aussi, on en parlera peut-être, rêvait d'être un grand artiste, rêvait d'être le Manet de la sociologie, a pu se reconnaître dans ces formes littéraires qui, au fond, partaient de son constat. Alors, on va essayer d'examiner ensemble des termes que Bourdieu met au point. Il y a un lexique bourdieusien qui lui permet de procéder, de construire la sociologie telle qu'il entend la faire. Voici la lecture d'un texte qui s'interroge sur la pratique de la réflexivité. Le terme peut faire peur, mais il s'agit de désigner justement cette manière de faire un retour sur soi en tant qu'intellectuel. Jusqu'où cette pratique-là peut-elle être mise en œuvre par le sociologue lui-même? C'est un texte lu par Hélène Losseur. Je sais que je suis pris et compris dans le monde que je prends pour objet. Je ne puis pas prendre position en tant que savant sur les luttes pour la vérité du monde social sans savoir que je le fais. Que la seule vérité du monde social est un enjeu de lutte tant dans le monde savant, le champ sociologique, que dans le monde social que ce monde savant prend pour objet. Chaque agent a sa vision idiotique du monde qu'il vise à imposer, l'insulte étant par exemple une forme d'exercice sauvage du pouvoir symbolique, et à propos duquel il engage ses luttes de vérité. En disant cela, et en préconisant la pratique de la réflexivité, j'ai aussi conscience de livrer aux autres des instruments qu'ils peuvent m'appliquer pour me soumettre à l'objectivation. Mais en agissant ainsi, il me donne raison. Le sociologue doit se garder d'oublier que si, comme n'importe quel autre savant, il s'efforce de contribuer à la construction du point de vue sans point de vue, qu'est le point de vue de la science, il est, en tant qu'agent social, pris dans l'objet qu'il prend pour objet. Et qu'à ce titre, il a un point de vue qui ne coïncide ni avec celui des autres, ni avec le point de vue en survol et en surplomb de spectateur quasi divin qu'il peut atteindre s'il accomplit les exigences du champ. Il sait par conséquent que la particularité des sciences sociales lui impose de travailler à construire une vérité scientifique capable d'intégrer la vision de l'observateur et la vérité de la vision pratique de l'agent comme point de vue qui s'ignore comme tel et s'éprouve dans l'illusion de l'absolu. France Culture, Les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Toute la question étant de savoir si cette vérité scientifique dont parle Bourdieu dans ce texte est en effet atteignable. C'était un extrait de Science, de la science et réflexivité. C'est un cours du Collège de France qui date de 2000-2001, donc peu de temps avant la mort de Bourdieu. Le texte est assez ardu. D'ailleurs, il faut le dire, Jean-Louis Fabiani, qu'il y a beaucoup de textes de Bourdieu qui sont techniques. Aucun n'est illisible si on maîtrise justement le vocabulaire de Bourdieu lui-même qu'il met en place. Mais en écoutant le texte, on se demande si finalement, enfin, pourquoi Bourdieu fait-il autant de retours sur lui-même et sur sa pratique de la sociologie. Au fond, est-ce que la réflexion, disons, métasociologique ne noie pas l'efficacité de la sociologie elle-même? C'est une question, effectivement, qui doit tarauder tous les lecteurs de Bourdieu. Je crois, sans être cuistre, que Bourdieu s'insère ici. Alors, d'abord, il faudrait dire, mais je recommande le livre de Laurent Perrault aux éditions du CNRS, Bourdieu et la phénoménologie, qui montre, disons, les sources de Bourdieu pour cette réflexion sur la réflexivité. Mais je voudrais dire que ici, Bourdieu se situe dans l'héritage, puisque nous parlons d'héritage de Durkheim. La sociologie doit être une science comme les autres, même si elle est beaucoup plus difficile que les autres, puisque, comme il vient de nous le dire, le sociologue est pris lui-même comme un agent du monde social, comme tous les autres. Il ne en diffère pas. Et en même temps, la sociologie, c'est la science qui, pour parler comme Leibniz, recherche le point géométral, celui d'où on peut voir l'ensemble du champ, c'est-à-dire à la fois les règles de ce champ, la manière dont il fonctionne, et les attitudes de tous les agents. On peut dire, alors, de Durkheim que c'est l'inventeur de la dualité, sociologie. Disons, du sujet sociologique, fait pour Durkheim le fait que la sociologie, c'est une sorte de métascience. Et donc, vous avez raison de pointer ce métadiscours, ce discours sur le discours sociologique, cette leçon sur la leçon. C'était le titre de la leçon au Collège de France qui, peut-être, disons, informe en permanence et toujours le sociologue. Mais pour Bourdieu, c'est une condition, c'est la condition même de son existence. Alors, je voudrais juste pointer, à propos de cet extrait, la question de savoir si le sociologue peut faire partager sa capacité, au fond, de... Parce que qu'est-ce que c'est que la réflexivité pour le commun des mortels? C'est la capacité de se regarder en train de faire, et de se regarder en train de penser, et de penser en fonction de ses objets de pensée. Et donc, en règle générale, les agents sociaux, selon Bourdieu, ce sont non pas des automates, mais comme les horloges de Leibniz, des gens qui agissent de manière pratique, c'est le sens pratique. Donc, ils ne sont pas réflexifs. Donc, qu'est-ce que c'est? Et là, Bourdieu ne nous donne pas de solution. Qu'en serait-il d'un sociologue qui permettrait à l'ensemble des agents sociaux de devenir réflexifs? Et ça, au fond, il n'y a pas de clair chemin dans la pensée de Bourdieu à ce propos. Et c'est pourtant une question cruciale. Vous avez parlé de Durkheim. Est-ce qu'on peut dire que Durkheim serait le premier à construire le champ sociologique? Il fonde en 1898 la fameuse revue L'Année sociologique. On peut dire même qu'il faut attendre 1958 pour que soit créée la première licence de sociologie, parce que jusque-là, c'était seulement une option au sein du parcours philosophique. Durkheim, c'est l'inventeur de la sociologie telle que nous la connaissons aujourd'hui? C'est en tout cas, il a été l'inventeur de sa forme universitaire, même si, comme vous le dites, la sociologie n'a été institutionnalisée que très tard. Alors c'est une affaire très, très compliquée et très complexe. Durkheim n'a pas le monopole de la sociologie en France à la fin du 19e. Il y a aussi Tarde qui a été redécouvert récemment, et il y en a bien d'autres. Mais ce qui est intéressant chez Durkheim, c'est qu'il partage un certain nombre de caractéristiques avec Bourdieu. La première, bien entendu, c'est d'être philosophe et d'être, beaucoup de gens l'ont montré, d'être resté philosophe. Les formes élémentaires de la vie religieuse, c'est un grand livre de philosophie. Cette filiation entre philosophie et sociologie, on la trouve même avant Durkheim chez Albert Espinasse, qui a écrit une thèse sur les sociétés animales et qui est le prédécesseur de Durkheim à Bordeaux. Donc il y a tout cet environnement philosophique de la sociologie dont Bourdieu est l'héritier direct. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, si vous voulez, quand on parle des pères fondateurs, c'est que leur fondation demeure à l'intérieur de la philosophie. Mmh. Et Bourdieu dit lui-même, il fait de la philosophie par d'autres moyens. Oui, il dit que la sociologie est la prolongation de la philosophie par d'autres moyens. Vous dites que Durkheim, c'est lui qui se situe à l'origine avec d'autres de la sociologie en France. Il faut aussi dire qu'en Allemagne, on a Max Weber et qu'en fait, ce sont deux courants de la sociologie qui semblent s'affronter, en tout cas s'opposer. D'un côté, le côté Durkheim, c'est une manière de considérer la société comme un tout, comme une force qui pourrait s'opposer à l'individu. De l'autre, du côté de Max Weber et de la sociologie dite allemande, on serait davantage du côté de l'individualisme. On chercherait davantage à comprendre ce que ça implique pour l'individu d'être compris dans une société. Cette opposition, elle traverse encore l'approche sociologique en France aujourd'hui, non? Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bourdieu a eu l'ambition de faire la synthèse entre Durkheim et Weber, puisqu'il est aussi bien durkheimien que weberien. Et l'héritage weberien est très, très puissant chez lui. Il a hérité de son premier mentor, enfin, deuxième mentor, si on considère qu'Anguilhem, qui est Raymond Aron. Et tout ce qui concerne le symbolique, la violence, la légitimité, tout ça, c'est un lexique weberien. Alors que Bourdieu a adapté et a traduit dans son propre lexique structuraliste. Mais on voit très bien que la force de Weber chez Bourdieu, qui s'arrête, disons, dans sa prise de l'héritage weberien à la question de l'individualisme méthodologique, bien sûr. Et vous aurez l'occasion d'en reparler cette semaine, mais c'est là que ça s'arrête. Donc il traduit un certain nombre de concepts weberiens dans un cadre, vous avez parlé de totalité sociale, dans un cadre qu'on peut appeler holistique, hein, mm-hmm. C'est-à-dire qu'il existe une société et on peut l'analyser dans sa totalité. C'est la distinction. C'est un peu une sociodicée, comme on parle de théodicée. Voilà. Quels sont les rapports entre la philosophie et la sociologie en général? Déjà, c'est une question passionnante. Alors, chez Bourdieu, ça l'est encore plus. Voici le point de vue de Jacques Derrida. Il a fait des gestes de rupture, mais en même temps, son rapport à la philosophie, tel qu'il s'est noué déjà dans ces années-là à l'École normale supérieure, était tel qu'il n'a jamais rompu avec la philosophie. Il me semble qu'il a toujours été dans une attitude, disons, de rupture amoureuse avec la philosophie. L'amour pur, cet art pour l'art de l'amour, est une invention historique relativement récente, comme l'art pour l'art, amour pur de l'art avec qui il a partie liée, historiquement et structurellement. Il ne se rencontre sans doute que très rarement dans sa forme la plus accomplie et limite presque jamais atteinte, on parle d'amour fou. Il est intrinsèquement fragile, parce que toujours associé à des exigences excessives, des folies, et sans cesse menacée par la crise que suscite le retour du calcul égoïste ou le simple effet de la routinisation. Mais il existe assez, malgré tout, surtout chez les femmes, pour être instituée en normes ou en idéal pratique, digne d'être poursuivi pour lui-même et pour les expériences d'exception qu'il procure. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et oui, le Bourdieu théoricien de l'amour et de l'amour pur, on le connaît moins, sans doute, que les autres Bourdieu. D'abord Derrida, qui dit qu'au fond, entre Bourdieu et la philosophie, c'est comme une rupture amoureuse, avec tout ce que ça implique d'émotion et peut-être de souffrance. Et de l'autre, cet extrait de Bourdieu que je viens de lire, c'est le post-scriptum sur la domination et l'amour qu'on trouve dans « De la domination masculine », texte de 1998, dans lequel Bourdieu se révèle aussi être celui qui pense l'amour pur comme étant aussi le lieu non seulement d'une folie, mais peut-être d'une souffrance, Jean-Louis Fabiani. Oui, alors deux choses. La première, évidemment, c'est comme Durkheim, Bourdieu est resté tout à fait amoureux de la philosophie. Si vous lisez le magnifique début des Méditations pascaliennes, qui est son dernier très grand livre en 97, vous verrez que, au fond, ce qu'il a voulu, c'est prendre la relève de la philosophie. Il dit explicitement, ben voilà, si j'ai fait de la sociologie, c'est parce que la philosophie avait cessé de faire son travail critique. Et donc, il se met dans la postérité de Kant et de la critique. Il se met dans la postérité de Wittgenstein, bien sûr, et de sa critique, disons, des usages routinisés de la philosophie. Et bien entendu, puisqu'il s'agit de méditation pascalienne, il se met aussi dans la postérité de Pascal et du fait que la vraie philosophie se moque de la philosophie. Alors si on va, disons, dans cette direction, on pourrait penser que Bourdieu reste le seul philosophe en un âge où les philosophes ont abandonné leur poste ou ne font plus vraiment leur travail. C'est presque exactement, ce qu'on peut lire dans le texte de Bourdieu. Donc là, le Bourdieu de la maturité assume et affirme sa relation avec la philosophie et veut constituer sa place dans l'histoire de la philosophie en tant que telle. En 95, la revue Critique lui a consacré un numéro où il était adoubé comme philosophe. Texte de Christiane Chauviret, de Charles Taylor, etc. Donc ça, c'est Derrida a entièrement raison. Dans un texte d'hommage à Bourdieu, j'ai parlé d'amour vache à l'égard de la philosophie parce que il est justement... Alors c'est un amour fou, mais qui est aussi un amour exigeant. Et la philosophie l'a déçu. Pourquoi ? Et il a fait autre chose. Mais il a fait la même chose, sur le fond. Alors quant à l'amour, ça c'est une magnifique question, puisqu'au fond, ce que dit Bourdieu dans cette énigmatique postface de la domination masculine, c'est que dans l'amour pur, il n'y a plus de domination. Il n'y a plus de domination. On est dans une parité, dans une égalité, toujours renouvelée. Mais alors la question, c'est de savoir à qui est susceptible d'atteindre cette forme d'amour pur. Alors il la loge dans l'histoire, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à travers les grands écrivains. Mais on pourrait dire que dans une société où la domination serait entièrement dominée et annulé par la sociologie, l'amour pur pourrait régner. On est là dans un univers tout à fait extraordinaire. Bourdieu parlait dans un article de Télérama à propos de ce livre d'île enchantée. On est vraiment dans un univers, presque un univers d'enfance. Et c'est une sorte d'apax dans l'œuvre de Bourdieu qui lui-même était quelqu'un qui reconnaissait, on a évoqué cette histoire de lutte, qui était à la fois un lutteur et un théoricien de la lutte, de l'arène, de la violence. La société est agonistique. Et là, Bourdieu fait une pause et évoque l'amour pur. C'est tout à fait beaucoup de tendresse, qui est l'autre face du personnage, un personnage émotif, et qui a essayé, sans y parvenir, de produire une théorie des émotions. Et pourquoi dit-il que l'amour pur est surtout présent chez les femmes ? Alors, je pense que c'est dans son livre sur la domination masculine, je pense. Mais c'est dans l'extrait qu'on a entendu, oui, c'est ça. Il se fonde sur des expériences personnelles et sur le rôle que des femmes ont pu jouer dans sa propre vie. Et pour le sortir, je crois, de cette condition malheureuse, cette conscience malheureuse qui l'affectait, comme il l'a souvent évoqué. On en parlait au début de l'émission. Et je crois que là, il y a peut-être une vision assez traditionnelle de la femme. D'abord, il parle du couple, je pense, hein, c'est assez clair dans ces 5 pages, et de l'amour hétérosexuel. Donc on peut aussi s'interroger sur le caractère peut-être convenu à la fin du XXe siècle de ce type de relation, la femme, l'homme, la femme qui vient au fond donner à l'homme le sens de sa vie. Tout ça est très curieux. Je veux dire, je veux pas imposer, puisque dans mon livre, je suis resté, disons, un petit peu dans les spectatives, je voudrais pas imposer un sens. Mais là, il y a quelque chose qui est aussi, vous parliez de point aveugle, hein, un point aveugle. Ce monde, c'est un monde sans violence, alors que le monde que décrit Bourdieu, c'est le monde de la violence physique et symbolique. Donc là, est-ce que c'est le communisme selon Marx? Vous voyez, je ne pourrais pas répondre. Mais est-ce que ça n'attire pas l'attention sur ces écrans qui, et c'est bien normal, puisque c'est notre cas à tous, entre le sociologue et son objet d'étude, viennent s'interposer et font qu'on n'est jamais dans l'objectivité tant souhaitée par la méthode sociologique, que ce soit pour des présupposés de genre, dont le texte qu'on a entendu semble être une des preuves, ou autre. Nous sommes aussi des individus qui avons des partis pris, des préjugés et des prises de position qui peuvent faire écran, encore une fois, ou être des obstacles épistémologiques à la méthode sociologique, non ? Bien entendu. Alors, ce sont des obstacles épistémologiques, mais d'un autre côté, si pouvez-vous imaginer, je vous pose la question, un monde où il n'y aurait plus d'obstacles épistémologiques et où la sociologie deviendrait un savoir absolu. Je ne sais pas si ce serait souhaitable. Je ne pense pas. Bourdieu évoquait dans un des extraits que vous avez diffusés ce côté presque divin qu'aurait ce point de vue que j'appelle, après Leibniz, géométral sur le monde social. C'est quelqu'un qui saurait tout du champ. Oui. Je veux dire, ce serait peut-être aussi l'enfer. Enfin, c'est une question que je pose et je pense que nous sommes tous, dans 20 ans, dans 30 ans, nos lecteurs trouveront d'autres déterminations, d'autres biais cognitifs ou autres qui ont conditionné notre rapport savant au monde. Hein. Je crois que l'omniscience doit être combattue. Je crois que, et vous avez évoqué science de la science et réflexivité, Bourdieu, tout en ajoutant le volet réflexif à l'activité scientifique, a une vision un petit peu ancienne de la science. Et justement, il n'intègre pas, il les combat même, tout ce qu'on a appelé les études sur la science, les science studies. Il rompt des lances contre Bruno Latour, par exemple. Et c'est très étrange, au fond, ce conservatisme épistémologique de Bourdieu, alors que lui-même entend révolutionner les sciences sociales. La répudiation de la grande figure de l'intellectuel total, comme je l'appelle, c'est-à-dire dont l'incarnation par excellence est Sartre, c'est-à-dire l'intellectuel qui remplit un rôle prophétique. Max Weber dit que le prophète est celui qui répond totalement à des questions totales, à des questions de vie ou de mort, etc. Et je pense que le philosophe, dans son incarnation sartrienne, est une figure prophétique, au sens rigoureux du terme, c'est-à-dire qui répond globalement à des problèmes existentiels, vitaux, politiques, etc., etc. Bon, et ça, je pense que c'est pour notre génération, en partie parce que nous étions un peu accablés et fatigués de ce rôle total. Pour notre génération, il est inconcevable, enfin, de chausser les bottes enfin, de Sartre. Bon. Et je pense que, pour parodier la formule de Malraux, nous voulons donner la monnaie de l'absolu, c'est-à-dire qu'on ne peut plus répondre à tout, il faut répondre à des questions partielles, délibérément constituées comme partielles, mais y répondre complètement, enfin, aussi complètement que possible, dans l'état des instruments de connaissance. Bon. Et cette sorte de redéfinition minimisante de l'entreprise intellectuelle, et je crois très importante, parce que c'est un progrès dans le sens d'un plus grand sérieux à la fois scientifique et politique. Je ne me rangerai jamais dans le camp de ceux qui aujourd'hui chantent la mort de Sartre et la fin des intellectuels, ou qui, procédant de manière plus subtile, invente un couple Sartre-Aron, qui n'a jamais existé, pour donner la palme à ce dernier. En fait, comment ne pas voir que, entre les deux figures, les ressemblances sont beaucoup plus grandes que les différences. À commencer par ce qui me les rend l'un et l'autre, en dépit de tout, profondément sympathiques. Je veux parler de ce que j'appellerais leur naïveté, ou même leur innocence de grands adolescents bourgeois à qui tout a réussi. Si je ne puis pas témoigner pour ce qui est de Sartre, j'ai assez connu, et faut-il le dire, aimé Raymond Aron pour être en mesure d'attester que l'analyste froid et désenchanté du monde contemporain cachait un homme sensible, voire tendre et sentimental, et un intellectuel croyant naïvement au pouvoir de l'intelligence. Pur produit d'une institution scolaire triomphante, qui accordait à son élite une reconnaissance inconditionnelle, faisant par exemple d'un concours scolaire de recrutement l'agrégation de philosophie, une instance de consécration intellectuelle, ces sortes d'enfants prodigues par décret se voyaient conférer, à 20 ans, les privilèges et les obligations du génie. Le moins qu'on puisse dire, Jean-Louis Fabiani, c'est que le rapport de Bourdieu à Sartre et à Aron est lui aussi, disons, ambivalent, en tout cas pas unilatéral. Dans l'archive qu'on a entendu, c'était un extrait de l'émission À voix nue diffusée sur France Culture en 1998. Il s'en prenait la figure prophétique de Sartre pour en appeler à une définition qu'il nommait « minimisante » de l'intellectuel, et dans le texte que j'ai lu, qui est un extrait d'une esquisse pour une auto-analyse, publiée de manière posthume et rédigée en 2001, eh bien il dit que finalement, s'il a des reproches à faire à Sartre, et encore plus sans doute au couple Sartre-Aron, bah, il ne manque pas de sympathie à leur égard. Comment comprendre cette ambivalence-là qui semble quasiment contradictoire, Jean-Louis Fabiani ? Oui, alors d'abord, je voudrais dire que l'extrait que vous avez lu est absolument magnifique. Et il contredit beaucoup de ce que des disciples, peu au fait, disons, de l'histoire personnelle de Bourdieu, peuvent dire contre Raymond Aron. Et là, évidemment, Bourdieu est au cœur, disons, de ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire cette capacité de faire une histoire intellectuelle à la fois fondée sur une connaissance directe des relations entre Sartre et Aron, et en même temps de se mettre à distance de la lutte qu'il a opposée pendant au moins une vingtaine d'années à Raymond Aron, puisqu'il a pris la direction du centre d'Aron à l'été 68 de manière assez cavalière et violente, et que Aron, disons, a toujours regretté que son meilleur assistant le quitte. Et donc cette relation tout à fait profonde entre Aron et Bourdieu, qui a donné la relation de Bourdieu à Max Weber, d'ailleurs, est quelque chose de tout à fait central. Si on pense à Sartre, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions de Sartre, branchées sur la phénoménologie, que Bourdieu utilise dans son propre travail. C'est aussi, alors, c'est pas une connaissance directe, il n'y a pas de relation directe, mais il y a une relation intellectuelle très forte. Alors, ce qui est très beau dans le texte de Bourdieu, c'est précisément que Sartre et Aron ont considéré, Sartre disait que ses années d'école normale étaient les plus belles de sa vie. J'ai l'impression que Bourdieu aurait pu dire que c'était les pires. Et donc cette conscience heureuse, disons, de cette position royale qui est celle de l'intellectuel adolescent, cette idée d'adolescence perpétuée. On reste toute sa vie comme on était à 20 ans, avec ce sens, ce très beau mot de Bourdieu qu'ils appellent le sens des ambitions légitimes, au fond, que Aron et Sartre partageaient, et qui était de dire, ben voilà, à nous deux le monde, avec des idées, on pourra le changer. Alors, le changer dans des directions très différentes. Pour conclure, disons que Bourdieu s'est inscrit dans la trajectoire de sa propre génération, c'est-à-dire passer de l'intellectuel total, hein, une notion qu'il a lui-même définie, il faut le dire, hein, et à une notion que lui-même n'a pas définie, mais qui est celle de l'intellectuel spécifique, de Foucault, Deleuze, etc., qui consiste à intervenir à un niveau beaucoup moins macrologique que ne le faisait Sartre. Encore que, en 1995, à la gare de Lyon, dans son adresse aux cheminots grévistes, Bourdieu s'est mis à ressembler à Sartre. Oui, alors on va revenir sur ce qu'on peut appeler le tournant politique de Bourdieu, mais avant cela, encore un mot. Dans les mémoires de Raymond Aron, celui-ci parle de Bourdieu. Il dit « Bourdieu, au retour de son service militaire, avait déjà travaillé sur le terrain. À l'époque, il promettait tout ce qu'il a tenu, un des grands de sa génération. Il n'annonçait pas ce qu'il est devenu, un chef de secte, sûr de soi et dominateur, expert aux intrigues universitaires, impitoyable à ceux qui pourraient lui faire ombrage. Humainement, j'espérais autre chose de lui. » C'est un texte féroce, Jean-Louis Fabiani. C'est très dur. Ben là, vous parliez de dépit tout à l'heure, on est dans le dépit amoureux aussi, dans ces relations entre disciples qui marquent et scandent l'histoire intellectuelle de la France. On voit que l'amertume d'Aron, c'est en 83, je crois, qu'il publie ses mémoires, est toujours très vive, alors que dans ses anti-mémoires, dans son anti-autobiographie, Bourdieu sera, peut-être pour montrer son élégance, beaucoup plus amical à l'égard d'Aron. Je crois que Bourdieu était capable... alors, chef de secte, c'est... Ceux qui me succéderont cette semaine le diront peut-être. Je ne pense pas qu'on puisse parler de secte, mais en tout cas, Bourdieu était un combattant dans l'université et qui n'avait pas le pardon facile. On peut le dire sans le critiquer. Et donc, cette amertume me semble effectivement liée aussi à une sorte d'impuissance de Bourdieu, cette incapacité de reconnaître ses dettes, de ne pas considérer qu'il était comme d'autres sur les épaules de géants, qu'il était un commencement absolu. Et ça, je crois que c'est une difficulté que je continue de ressentir en lisant Bourdieu, quelque admiration que j'ai pour lui. C'est que, bien qu'il ait beaucoup parlé d'intellectuel collectif, il a beaucoup de difficultés à jouer collectif. Alors, que s'est-il passé en 1995, quand, après plusieurs décennies, en fait, à construire une école sociologique, à mettre au point la méthode qu'est la sienne, il décide de faire se rencontrer la sociologie et la politique, et il commence à devenir, vous l'avez dit, il devient presque une sorte de Sartre au sens de l'intellectuel engagé en 1995. Oui, alors ce changement est plus progressif qu'il n'apparaît probablement. Bourdieu a toujours été un intellectuel rebelle. Il est resté longtemps silencieux à propos de cette rébellion. Il ne parlait pas beaucoup dans les séminaires de Raymond Aron. C'est ce que tous les témoins m'ont rapporté. Il était très discret. Et pendant la guerre d'Algérie, par exemple, il n'est pas un des plus présents, alors qu'il est, je pense, un des meilleurs analystes de la situation algérienne, comme ses écrits sur l'Algérie, qui sont remarquables, le montrent. Donc il attend, je crois, la consécration universitaire pour commencer d'avoir une parole politique. Alors cette parole politique, il faut le dire, elle n'est pas du tout celle de ces de ceux qui s'affirment aujourd'hui comme ses héritiers, qu'il s'agisse de la rédaction actuelle de sa revue Acte de la recherche en sciences sociales, ou qu'il s'agisse de gens comme Geoffroy de Laganerie qui se réclament explicitement de Bourdieu et qui ont une position tout à fait différente. J'ai essayé de montrer, je pense l'avoir fait, que Bourdieu restait fondamentalement un social-démocrate. Si vous lisez attentivement son adresse aux cheminots en grève, c'est un éloge du service public. C'est un éloge de la main gauche de l'État. C'est un éloge de la redistribution. C'est un éloge du service public. Bourdieu ne parle ni des précaires, ni des chômeurs. Il parle de la fonction publique. Et je crois que ça, c'est une dimension qu'il faut garder. C'est le fils de facteur-receveur qui parle du facteur comme d'un élément de civilisation. Bourdieu est aussi un grand intellectuel européen à travers la revue qu'il tente d'animer pendant quelques années, Libère. Bourdieu n'est pas du tout, disons, dans la radicalité contemporaine. Il était lui-même, j'étais toujours très surpris de ça, un grand critique de Frantz Fanon, par exemple. Alors que moi, quand j'étais jeune, je pensais que Frantz Fanon était l'auteur à lire pour la colonisation. Et donc il avait cette dimension, disons, de social-démocrate que l'on tente aujourd'hui de faire disparaître. Et je pense que, c'est ce que je crois, il s'inscrivait, Volins-Nolins, sans peut-être en être conscient, dans cette grande tradition française qui, à mon sens, remonte à Auguste Comte, de croire, comme le faisaient Sartre et Aron, que, eh ben, il suffisait que le savant ou l'universitaire ou l'intellectuel parle pour qu'il soit écouté et efficace. Force est de constater que le grand mouvement social européen qu'il appelait de ses voeux ne s'est pas produit et que les grèves de 95 sont peut-être plutôt un chant du cygne que la promesse d'un nouvel élan. Est-ce que ça veut dire que ceux qui se revendiquent aujourd'hui comme étant les héritiers de Bourdieu ne sont pas forcément fidèles à sa pensée, qu'il y a une récupération, vous iriez jusque-là, de la pensée de Bourdieu par certains intellectuels contemporains? Écoutez, je pense que Bourdieu appartient au domaine public et tous ceux qui en font usage ont des raisons de le faire. Donc moi, je suis un historien des idées et je rappelle un certain nombre de faits. Hein. Je pense que alors l'histoire, il y a des Hegeliens de droite, des Hegeliens de gauche. Hein. Il y a des Bourdieusiens de centre gauche. Il y en a de droite. Et des Bourdieusiens de droite, je n'en connais pas. Oui. Mais disons des maintenant, disons ce qu'on pourrait appeler la gauche démocrate ou le socialisme libéral sont considérés comme à l'époque de Staline, comme l'exemple du social-fascisme. Donc on est dans l'outrance verbale. Je pense que Bourdieu n'aurait pas aimé ça. Mais en tout cas, je veux dire, l'héritage est libre. Il est. Je vais pas compter ou faire un procès en illégitimité à ceux qui s'emparent de Bourdieu. Je dis simplement qu'il y a un grand écart entre ce que disait Bourdieu dans tous ses petits textes, les contrefeux, etc., les petits textes politiques de Bourdieu, et, disons, l'extrême-gauche française aujourd'hui. Ça, c'est un fait objectif. Maintenant, je ne suis pas le gardien du temple. Il y en a d'autres qu'ils fassent leur travail. Mais comment vous expliquez, au-delà de cette dimension-là, de l'utilisation politique de Bourdieu, la violence qui semble entourer les partisans ou les critiques de Bourdieu? C'est comme s'il y avait une espèce de clivage, parfois très virulent, entre les pros et les anti. Alors, il ne voulait pas être un chef de secte, comme le dit Aron, qui l'accuse d'être un chef de secte, justement. Mais les effets produits, enfin, je veux dire, on ne critique pas Bourdieu impunément, et de même, être de son côté est toujours taxé d'une forme de divinisation du maître. C'est comme s'il était difficile d'avoir un rapport, disons, critique mesurée ou fidèle, sain à sa pensée. Vous expliquez comment ces clivages-là? Écoutez, l'incipit de mon livre, c'était « Peut-on parler sereinement de Pierre voilà. Bourdieu ?» Je l'espérais. Eh bien, j'ai été fort déçu. Il y a un jeune homme qui s'appelle Marc Joly qui a écrit tout un livre contre moi. Ce livre s'appelle « Pour Bourdieu », mais dans le milieu professionnel, on l'appelle « Contre Fabiani ». Alors, il dit énormément de... Il connaît mal Bourdieu, donc il dit beaucoup de sottises sur Bourdieu. Mais j'ai vu, au fond, il défendait Bourdieu. Alors, lui-même n'est pas bourdieusien. C'est ça qui est fou. Il n'utilise pas... Moi, j'utilise le terme de champ. J'utilise le capital. Enfin bon, je me situe dans un héritage critique et lointain. Mais pas du tout ce jeune auteur. Mais il a cru bon de défendre Pierre Bourdieu comme si, de mon petit village, de ma province, je pouvais attenter à la grandeur de Pierre Bourdieu. Donc c'est assez drôle de voir des gens qui ne sont pas bourdieusiens, mais qui s'emparent. Il paraît qu'il y a un deuxième livre qui va sortir, qui s'appelle « Avec Bourdieu » et qui est toujours dans la même ligne. Bon. Mais quand vous dites qu'il n'est pas bourdieusien, après de la mort de Bourdieu, vous dites qu'il n'est pas bourdieusien, mais peut-être lui se définit-il comme bourdieusien ? Oui, mais enfin, il y a toujours des critères objectifs. La sociologie est une discipline d'objectivation. D'objectivation. Voilà. Moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est qu'on ne puisse pas faire son travail quand il s'agit de Pierre Bourdieu. Et je veux pas vouer ce jeune homme aux gémonies, parce que il est tout à fait sympathique et il a raison d'attaquer les vieillards qui veulent pas être réduits au silence. Mais du côté inverse, on est excessif. Hein. Je pense pas que Bourdieu menace quoi que ce soit et qu'il soit un danger. Alors. En tant que tel. Certains usages de Bourdieu peuvent être tout à fait négatifs, comme l'a montré Bronner. Mais c'est pas Bourdieu, quand même, il faut être honnête. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à se calmer, qu'on arrive à retrouver un peu d'espace savant autour de Bourdieu. Parce que Bourdieu, c'est pas le génie absolu, c'est pas non plus le diable, c'est ni Dieu ni diable, ni Bourdieu ni Bourdiable. Et si l'on peut imposer, enfin faire partager ce point de vue, on aura beaucoup gagné. Merci beaucoup Jean-Louis Fabiani d'être venu parler de Bourdieu à ce micro. Enfin, vous étiez à Vienne en Autriche et moi derrière ce micro ce matin dans les chemins de la philosophie. Votre livre s'appelle Pierre Bourdieu, un structuralisme héroïque. On le trouve aux éditions du Seuil. Et on se quitte avec un concept bourdieusien, l'habitus, chanté par le rappeur Rosset. Disposé à marcher en bande et à connaître la fouille. La bande détient le prétexte que cherchent les patrouilles. Disposé à s'unir en amis de la cité, à subir les familiarités, à mûrir trop loin de l'égalité. Disposé à être tutoyé par toute institution. Institution méprise et déplore ton élocution. Qu'est-ce qui pousse un jeune à garder l'argot et la démarche alors qu'il sort de l'horizon et qu'il prend de l'âge? Entre le jeune abonné au musée et celui à l'abribus, seul l'un des deux portera le poids de son habitus. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais t'oublies un détail, genre d'accent avec lequel tu finis tes phrases. Tu sais que les riches sont pas plus libres que toi. Eux aussi sont aliénés par leurs mots, leurs codes, leurs choix. Sauf que leur argot est bien vu, il est même courtisé. On dit du tien qu'il est bad, du leur qu'il est souligné. Leur style et leur mode sont juste plus prisés. En plus tu grandis et l'argot du préau n'est plus le consensus. De poids, de mesure, en fonction de ta voix, ton allure, ton aisance du langage, dans la guerre du langage. Ce monde peut cerner d'où tu viens et j'en ai pas dit plus. Humain, tu restes emprisonné par tes habitudes. Le quartier a ses règles, ses lois, son langage, son argot. Tu sais de quoi je parle, surtout quand t'es ado. Rempli de vivacité, tu sors du bahut, du chahut. Contaminé par les expressions tordues de la rue. T'as vu, tu ramènes à l'école une manière de parler. Tu te la racontes, la manière de manier la langue et de tailler. Tes parents se sont dit, l'école change les nantis. Mais leur enfant grandit, veut parler comme un bandit. C'est une règle sociale, on s'adapte à notre monde. L'accent, le verbe, la phrase te reflète, te ressemble. T'as un arrière-goût du quartier, tu restes son ombre, c'est chaud. Les mots qui te servent à parler reflètent l'écho des autres. T'as pas encore conscience que le langage est ton passeport. Plus tard faudra que tu parles bien ou bien que tu parles fort. Ton horizon d'enfant construit ta personnalité. Tes manières, ton argot te façonne comme personne n'a idée. Ça jouera sur le mariage, sur le choix du job, sur ton décor, sur le nom des gosses, sur le choix de l'école, de la musique que t'écoutes, de celle que tu comprends pas, des malheureux que tu écoutes et de ceux que tu n'entends pas. Si tu es de ceux qui ont grandi dans le gris des tours, l'oreille bien trop remplie par l'argot qui s'est cool. Tu auras tendance à être moins à l'aise au centre-ville que dans le quartier sensible où ta jeunesse a grandi tranquille. D'autres sont nés avec la chance d'avoir la langue dominante qui s'habille de l'accent des capitales scintillantes. En vrai, ils n'ont pas de mérite d'être nés où ils sont nés, mais ils ont le passeport dans la guerre du langage français. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais j'oublie un détail, genre d'accent avec lequel je finis mes phrases. Ce monde peut cerner d'où je viens et j'en ai pas dit plus humain. Je reste emprisonné par mes habitus. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment les choses font-elles sens ? Il est difficile de comprendre le sens de quoi que ce soit. On cherche à comprendre le sens de quelque chose quand on est devant un fait, un objet, un événement, un acte, quelque chose qui nous surprend, et on se demande quel sens cela peut avoir. C'est une question qui surgit inévitablement dans la conscience et dans l'esprit des êtres humains. Mais qu'est-ce que c'est que le sens exactement ? En réalité, on parle de sens quand un fait, une chose justement, un acte, quelque chose d'individuel, quoi que ce soit, quelque chose qui nous surprend, un acte, un événement, quand cette chose donc est reliée à une autre, et c'est pourquoi le sens est d'abord une relation, mais est reliée à une autre sous le signe, je dirais, d'un principe général et universel. Par exemple, quand un mot est relié à un autre dans le cadre du langage dans son ensemble, ou quand un mot est relié à une chose dans le cadre d'un ensemble de signes et d'un ensemble de représentations du monde qui fait qu'il y a ce cadre global où les choses se relient à travers un ensemble de principes qui est le fondement, en réalité, de leur sens. C'est pourquoi les diverses théories du sens reposent à la fois sur la description d'un mécanisme, la façon dont un élément se relie à un autre, par exemple une trace de pied. Avec un pied, alors j'interprète ce petit tas de sable un peu différent des autres comme étant relié à un pied qu'il a causé autrefois. Je l'interprète à partir d'une théorie d'ensemble de la causalité et tout à coup, ça s'éclaire, ça fait sens. Nous avons besoin d'un principe global, une théorie du mécanisme, mais aussi un principe global pour que le monde entier fasse sens. C'est pourquoi le sens est si important, parce que parmi les faits, finalement, auxquels il faut donner un sens, il y a notre propre existence. Notre propre existence comme fait brut, et alors à quoi allons-nous le rattacher ? Il y a différents principes auxquels les hommes ont recours pour donner sens aux événements qui les entourent, différents principes qui distinguent finalement l'ensemble des philosophies. Peut-être que le plus simple d'entre eux est au fond le plus profond. Peut-être que le principe du sens le plus immédiat est peut-être le plus radical. Certains vont chercher le principe du sens dans son pur mécanisme. Ce seront les théories linguistiques du sens qui ont été parfois un modèle pour la vie humaine, ou dans un principe métaphysique. Il faut parfois une transcendance absolue qui donne sens à tout le reste parce que tout s'y rapporte. Mais alors quel sera le sens de ce grand principe lui-même ? À quoi faudra-t-il le rapporter puisque le sens est toujours une relation à autre chose ? Il y a peut-être donc le principe le plus simple, et le principe le plus simple, c'est le principe de notre vie. C'est ce qui fait sens dans notre vie, ce que nous rattachons à du plaisir et parfois à de la douleur, à la possibilité de vivre mieux ou au contraire à la crainte de vivre mal. Oui, la vie est un principe de sens, mais un principe de sens un peu difficile, un principe de sens qui peut s'inverser, un principe de sens parmi d'autres, mais peut-être celui qui résiste à tous les autres. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant-Le Goff avec Manon de la Selle, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Nasser Moussaoui, à la lecture des textes Hélène Losseur. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Bourdieu. Sommes-nous tous les héritiers de Bourdieu ? Demain, la réponse sera oui, c'est Gisèle Sapiro qui viendra se demander si le goût est une question de classe et de classe sociale. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission et nous retrouver sur les réseaux sociaux. À demain, 10h, on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.